Chapitre 3e. Jean-Jacques Rousseau a rendu le nom de Clarens célèbre, mais s'il a été exact dans la description du pays habité par Saint-Preux et Héloïse, il faut dire qu'aujourd'hui le Clarens de la réalité ne ressemble en rien à celui du romancier. Au XVIIIe siècle, il y avait sans doute des arbres, de la verdure et de l'ombrage sur ces pentes qui descendent jusqu'au lac. Aujourd'hui, les arbres ont été remplacés par des échalas. Là où étaient des prairies sont des vignes, et pour trouver de l'ombrage, il faut marcher le long des murs qui soutiennent les terres. La prospérité matérielle de la contrée s'est considérablement accrue. Son aspect pittoresque et son agrément ont disparu. De Vevey à Veytaux, on marche dans des rues qui changent de nom suivant les villages qu'elles traversent, mais dont le caractère ne change jamais. Des vignes et des maisons meublées, qu'on appelle dans le pays des pensions, et toujours des pensions et des vignes. Le parfum des feuilles et des foins a été remplacé par l'odeur de la gargoterie, chère aux Anglais et aux Allemands. Par bonheur pour ce beau pays, la nature a pris d'avance des précautions contre le travail de l'homme, et à une certaine hauteur au-dessus du niveau du lac, elle a bouleversé le sol de telle sorte que les améliorations agricoles et les embellissements artistiques sont impossibles. Bon gré mal gré, il a fallu conserver les bois et les pâturages dans leur état primitif. Avec son flair des choses de la nature et sans avoir lu aucun guide, Juliette avait deviné cette disposition topographique du pays dans lequel le hasard les avait amenés. Aussi, à leur première sortie, le lendemain matin, au lieu de s'en aller flâner par les rues, l'alpenstock à la main pour piétiner dans la poussière et s'arrêter devant un pharmacien après avoir fait une station devant un magasin de nouveautés, proposa-t-elle de monter tout droit dans la montagne par le premier sentier qu'ils trouveraient devant eux. Adolphe n'avait aucune vocation pour les voyages de découverte, et la perspective de s'en aller au hasard, sans savoir où, n'avait aucun attrait pour lui. À quoi bon prendre la peine de marcher pour ne rien voir de ce qu'on devait voir ? Élevé dans le respect de la tradition, il considérait les voyages comme une sorte de contrôle, et il tenait à pouvoir contredire ou approuver l'opinion de ses devanciers. De retour à Paris, que dirait-il de Genève et de Lausanne ? De Genève, qu'il n'avait vu que les arbres qui ombragent la statue de Jean-Jacques Rousseau. De Lausanne, qu'il n'avait aperçu que les tours de sa cathédrale. C'était vraiment peu, et sa mère bien certainement se moquerait de lui. En serait-il de même maintenant pour Montreux et Clarens ? Partirait-il sans connaître autre chose que l'hôtel des Alpes ? Cependant, il était si bien sous le charme qu'il ne fit aucune objection au désir manifesté par Juliette. Après une heure de montée à peine, ils se trouvèrent dans la région des pâturages et des bois. Plus de vignes, plus de maisons, plus de touristes en fonction, mais des pentes gazonnées d'une herbe fine, ça et là quelques chalets suspendus au flanc de la montagne, et dans les profondeurs des bois, la musique des clochettes des vaches. Puis, de temps en temps, quand ils se retournaient, des échappées de vue sur le lac éblouissant de lumière et sur les Alpes de la Savoie. « Et où allons-nous ainsi ?» demanda Adolphe, qui se sentait peu rassuré en voyant se dresser devant lui un cirque de montagnes dont les sommets dénudés se découpaient sur le ciel bleu. « Plus loin. Et après ?» Plus loin encore, toujours plus loin. Au bout du monde, alors, chez les sauvages ? Peut-être. Elle marchait avant lui, les cheveux au vent, alerte et souriante. Il la suivit. Il trouvait, il est vrai, que la montée était bien rapide et que le soleil aussi qui les frappait dans le dos était brûlant. Mais elle paraissait si joyeuse qu'il était heureux du bonheur qu'il voyait en elle. Elle courait sur les pentes herbues. Elle embrassait le mufle rose des bâches qu'elle caressait. Elle cueillait les fleurs qui émergeaient au-dessus des herbes. Et quand il traversait un bois de sapin, elle respirait à plein poumon l'odeur de la résine, que la chaleur du jour rendait plus forte et plus pénétrante. Pour voir ses narines palpiter, pour voir ses yeux s'ouvrir, pour voir sa taille souple se cambrer quand elle sautait un ravin, il l'eût suivi au bout du monde. Cependant, ils n'allèrent point jusque-là. Après 3 heures de marche, tantôt dans des pâturages, tantôt dans des bois couverts, ils arrivèrent sur une sorte de plateau gazonné au milieu duquel se montraient épars, çà et là, trois ou quatre chalets. Des petits ruisseaux écumants couraient à travers l'herbe fine et allaient se perdre dans un ravin qu'on entendait mugir au fond d'un lit encaissé. De toutes parts, excepté du côté par où ce ravin descendait, se dressaient de hautes montagnes aux pentes rapides. C'était une oasis de verdure et de fraîcheur perdue au milieu des rochers et des bois, un nid de mousse, une petite Arcadie, d'autant plus riante qu'elle était entourée de montagnes sévères. « Voilà le bout du monde, » dit Juliette. « Et voici les sauvages demandés, » dit Adolphe en apercevant un pâtre qui surveillait ses vaches. « Si nous le faisions causer, » dit Juliette, « si nous lui demandions le nom de cet endroit charmant, il est beau de découvrir des pays nouveaux, mais il est bon de savoir comment il se nomme. » Elle s'approcha du vacher qui s'était arrêté et, souriant d'un sourire placide, les regardait monter vers lui sans faire un pas vers eux. « Comment nomme-t-on cet endroit ?» demanda Juliette. « Les avants. Et cette montagne qui se dresse là derrière en forme de cône, c'est la dent de Jaman. Et celle-ci, sur le côté, la dent de Naï. Et ces chalets sont habités. C'est pour être habité que les maisons sont construites. Rien n'est plus vrai. Seulement ce que je demandais, c'était si ces chalets étaient habités en ce moment. Non, ils le sont dans la saison par les propriétaires qui viennent ici pour les bois ou les pâturages. Et puis il y a celui-là, le dernier là-bas, qu'on a construit et meublé pour le louer à des étrangers. Mais il ne s'en est pas encore présenté. L'endroit est trop triste. Pour s'y plaire, il faut y avoir ses vaches. Le pâtre s'éloigna pour aller rejoindre ses vaches et Juliette s'assit sur l'herbe. Pendant assez longtemps, elle resta sans rien dire, regardant les montagnes et regardant les chalets. La voyant ainsi préoccupée, Adolphe lui demanda ce qui la rendait rêveuse et triste. « Pas triste, dit-elle, mais rêveuse, cela est vrai. Et ma rêverie vient d'une idée qui m'a traversé l'esprit. Quelle idée ? Une idée à me faire accuser de folie, si je la disais. Aussi ne la dirais-je point si vous voulez bien ne pas insister. » Mais au contraire, il insista. « Eh bien, dit-elle, asseyez-vous là près de moi et écoutez. D'ailleurs, il est bon de se connaître même par ses côtés fous. Savez-vous à quoi je pensais quand ce berger nous disait que ce chalet avait été construit pour le louer à des étrangers ? C'est que nous étions précisément ces étrangers. Nous ? Voilà que vous poussez déjà des cris de surprise. Et cependant, quoi de plus charmant que de rester ici ? Dans ce désert, c'est précisément le désert qui me charme. Et manger et se faire servir, cela n'est que la question secondaire. Partout on trouve à manger et aussi à se faire servir, pourvu qu'on ne soit pas trop difficile. Mais encore, je n'avais vu qu'une chose, la tranquillité et la solitude à deux. Pourquoi ne pas rester là ? Et notre voyage ? Pour qui l'avez-vous entrepris, ce voyage ? « Pour vous, chère Juliette. Pour mon plaisir, n'est-ce pas ?»« Assurément. Eh bien, si je vous disais que cette vie sur les grands chemins m'effraie et que ces chambres d'hôtel m'épouvantent, si je vous disais que je vous en ai voulu, à vous qui connaissiez ces chambres, de m'avoir exposé aux hontes que vous m'expliquiez hier soir ?»« Si des trous sont percés dans les cloisons, ce n'est pas ma faute. »« Non, assurément. Mais ce qui est votre faute, c'est d'amener votre femme dans une de ces chambres. » Toutes sont pareilles, et dans tous les pays du monde, nous aurions pu être exposés aux mêmes plaisanteries. Vous appelez cela une plaisanterie ? Alors, il ne fallait pas quitter Paris. Et pourquoi l'avons-nous quitté ? Assurément, je vous suis reconnaissante de l'intention que vous avez eue, mais je vous avoue que si j'avais pu prévoir la curiosité qui nous a poursuivis, je vous aurais demandé de renoncer à ce voyage. Adolphe ne répliqua point, mais son silence parla pour lui. « Vous me trouvez injuste et ingrate, » continua Juliette. « Il faut donc que je vous dise tout ce que j'ai sur le cœur et pourquoi je voudrais passer le temps de notre voyage ici avec vous. On ne peut pas garder l'impression des lieux où l'on vient à la vie. Selon moi, cela est triste et fâcheux. Mais il y a en nous deux existences, celle qui commence au berceau dont nous ne pouvons nous rappeler les premiers jours, et celle qui commence au mariage. » Pourquoi ne pas garder pieusement dans notre cœur les premières impressions de celle-là ? Et pourquoi, si cela est possible, ne pas les placer dans un cadre splendide qui leur donne toute leur valeur. Ce cadre, il me semble que le voici. Croyez-vous que les souvenirs que nous emporterons des chambres d'hôtel que nous traverserons vaudront ceux de cette oasis? Trouvons-nous nulle part cette fraîcheur, cette jeunesse, ce calme et cette sérénité? Le chalet était confortablement bâti et convenablement meublé. Tout était neuf et brillant de propreté. Après l'avoir visité, ils redescendirent à Montreux, où il fut facile de s'entendre avec le propriétaire. À Montreux aussi, ils trouvèrent les gens nécessaires à leur service. Une femme pour la cuisine et un homme pour aller tous les jours chercher les provisions. La course était longue, mais elle n'était pas dure pour le solide montagnard qu'ils avaient pris, car il était habitué à courir chaque jour les pâturages pour faire la récolte des fromages qu'il descendait au village sur sa tête, 100 livres pesant. Adolphe écrivit à sa mère de lui adresser ses lettres à Montreux, poste restante, mais il se garda bien de lui dire qu'il était installé dans un chalet au milieu des bois, à 1200 mètres au-dessus du niveau de la mer, loin des hommes et des villes, et qu'il comptait passer là sa lune de miel. Assurément, elle l'eût cru fou, et elle serait venue le chercher.